donnera remplie d'amère, tu m'en sers un verre d'or. Tous ceux qui connaissent le beat, tu me fils, c'est rien d'autre. Déjà à mort le putain de trou qui reste collé à l'asphalte. Comme les neurones des incous restent collés au shit. Tu voudrais qu'on parle d'amour, mais le beat est trop fat. Chez nous les love stories finissent à quatre pattes. Ça crie fort et ça transpire sur les ressorts du clic-clac. Hardcore depuis l'époque, public ennemi featuring gang. Hardcore comme le contrat entre Defro et Tupac. Hardcore comme le bordel, comme il est rigué en Irak. Hardcore comme Perry James à l'époque d'Idéal. Pas de port, on fait ce qu'on peut pour se raccrocher à l'islam. Passeport pour la poubelle, ta saloperie d'album de slam. Passeport pour l'hôpital, si tu mets dans ma caisse un album de Jams ou le morceau de Booba et Tony Park. Pas de port, tu vas marcher avec une cale comme Gregor Malade. On va nous fermer la porte, obligé de passer par la fenêtre. On fait ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Ils sont trop lourds, les gars, portent plein de bourdes, toute son enceinte. Ils veulent nous fermer la porte, obligé de passer par la fenêtre. On fait ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Venus pour tout niquer dans ce bise et mettre votre industrie enceinte. Tu sais qu'on court pas pour la médaille d'argent. Et même le ventre plein, on garde la même dalle d'argent. Le rap dans les veines comme l'héroïne pour tes potes. Dites au king qu'il occupe son trône pour une courte époque. On voit les bifons, on n'est pas venu chercher le smic. C'est KR la perceuse qui vient percer le biz. Percer les petites avec des versets qui te frites. Percer les schmitts avec mes versets wicked, wicked. Comme disent les rastaman, nous on tabasse ta race. Un peu comme un gendarme après son lit de pasta, gars. Je veux m'installer une passe et c'est de m'agrandir comme un cimetière. Quand je regarde mon destin dans les yeux, y'a comme un signe, frère. De ceux qui courent vers leur passion plutôt que laisser passer le temps. Vous êtes en 4-4, écartez-vous, laissez passer les tanks. Vous aussi, et ne chialez pas trop quand le croix agira. Ça sera le coup du lapin, mais version coup de la girafe. Ils veulent nous fermer la porte, obligé de passer par la fenêtre. On fait ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Ils sont trop lourds, les gars, portent plein de bourdes, toute son enceinte. Ils veulent nous fermer la porte, obligé de passer par la fenêtre. On fait ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Venus pour tout niquer dans ce bise et mettre votre industrie enceinte. C'est pour les bâtards de ta rue qui traînent ce dope bras qui pue, qui revendiquent la rue et vers l'or, qui sont toujours à l'affût, tu le sais. Ceux qui ont tiré au neuf sur les flics à foncer, ceux qui pilotent la RS4 chargée prêt à foncer. Serre un max de pute si elles veulent se défoncer. La couleur de mon flingue, mes yeux de ma peau, ouais, c'est du foncé. Laisse tomber le rap ou au mic, je vais trosser, te crosser, te brosser, trosser, trosser. Mon là, c'est du danger, je t'envoie rejoindre les angers. Déjà mort, rien à perdre, tu ferais mieux te ranger. Toujours autant de haine, d'amertume, reste branché. C'est mon made et du bitume. Fais tourner un joint, Ahmed, et qu'on s'en fume. Sors la flamme et fous le feu à une caisse de flics ou de juges. Depuis 13 picheux qui font en sorte qu'on purge. Un numéro d'écrou, une cellule et le bruit des clés. Ils veulent nous fermer la porte, obligés de passer par la fenêtre. Fais ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Ils sont trop lourds, les gars, portent plein de bourdes, toute son enceinte. Ils veulent nous fermer la porte, obligés de passer par la fenêtre. Fais ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Venus pour tout niquer dans ce bise et mettre votre industrie enceinte. Ils veulent nous fermer la porte, obligés de passer par la fenêtre. Fais ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Ils sont trop lourds, les gars, portent plein de bourdes, toute son enceinte. Ils veulent nous fermer la porte, obligés de passer par la fenêtre. Fais ça pour nos négros raps à blanco et sale. Nos regards dirigés vers l'est, différents de vos starlets. Venus pour tout niquer dans ce bise et mettre votre industrie enceinte.